Mage trafic. Phonique. Les murs. J'ai gravé mon blaze avec fierté dans la nuit, partant de pluie ou en pleine clarté. Les murs sont les totems sacrés d'une culture à laquelle toute ma vie j'ai consacré. Les murs ont figé le temps, seul témoin de l'histoire. Ils ne manquent pas et connaissent bien ton désespoir. Les murs ont les secrets de la mort de Kennedy ou Marilyn. T'ont vu sniffer ton premier rail de cocaïne. Les murs ont broyé ton poing sous la colère et ont pleuré ton sang silencieux devant ta misère. Les murs ont vu cette connasse briser les membres de son gosse et dire au flic qu'il est tombé tout seul et que c'est atroce. Reste fidèle, se regarde droit dans les yeux. Jamais ne balance, préfère s'écrouler sous les cieux. Les murs furent témoins du complot contre toi et savent ce que pensent les gens quand tu n'es pas là. Les murs sauront avant nous quand tout va sauter. On suit avant nous par qui Clinton s'est fait sucer. Les murs ont vu écrire ce texte à la chandelle. Ange gardien, témoin de mes blessures éternelles. Les murs ont vu ce qu'il ne fallait pas. Les murs avant ta naissance était là. Les murs n'ont pas pu empêcher ce crime. Les murs sur lesquels tu craches et urines. Les murs ont plus de mémoire que l'homme. Les murs, leur silence raconte le monde. Les murs, les murs m'ont vu mentir et même pire. Pêcher sans remords à l'arrière de ma tire. Les murs n'ont pas su consoler ce frère qui, enfermé entre quatre murs, a préféré partir en passant. Dédicace à mes homeboys, maquilleurs de rue, à qui l'air ATP a juré la ruine. Les murs aiment à se coller au cul des putains qui attendent leur proie comme le monde attend le matin. Les murs savent où est allée ta femme avant de rentrer. Savent avec qui toi-même tu l'as trompé. Savent ce que toi et moi ne saurons jamais. Sur cette planète, le mur reflète ce qu'on en a fait. Les murs ne s'écartent devant personne. Non, comme non. Des géants de pierre dans Babylone. Les murs tombent avec leur mystère. Impénétrable témoin à jamais les yeux ouverts. Les murs ont vu ce qu'il ne fallait pas. Les murs avant ta naissance était là. Les murs n'ont pas pu l'empêcher ce crime. Les murs sur lesquels tu craches et urines. Les murs ont plus de mémoire que l'homme. Les murs leur silence raconte le monde. Les murs magique. Les murs ont vu ce qu'il ne fallait pas. Les murs avant ta naissance était là. Les murs n'ont pas pu empêcher ce crime. Les murs sur lesquels tu craches et urines. Les murs ont plus de mémoire que l'homme. Les murs leur silence raconte le monde.